car Husserl parle aussi d'essence extratemporelle que l'intention met à jour, et l'on croit entendre Platon. On n'explique pas toute chose par une seule, mais par toutes. Je n'y vois pas de différence. Certes, ces idées ou ces essences que la conscience effectue au bout de chaque description, on ne veut pas encore qu'elles soient modèles parfaits, mais on affirme qu'elles sont directement présentes dans toute donnée de perception. Il n'y a plus une seule idée qui explique tout, mais une infinité d'essences qui donnent un sens à une infinité d'objets. Le monde s'immobilise, mais s'éclaire. Le réalisme platonicien devient intuitif, mais c'est encore du réalisme. Kierkegaard s'abîmait dans son Dieu, Parménide précipitait la pensée dans l'un, mais ici, la pensée se jette dans un polythéisme abstrait. Il y a mieux. Les hallucinations et les fictions font partie elles aussi des essences extratemporelles. Dans le nouveau monde des idées, la catégorie de centaure collabore avec celle plus modeste de métropolitain. Pour l'homme absurde, il y avait une vérité en même temps qu'une amertume dans cette opinion purement psychologique que tous les visages du monde sont privilégiés. Que tout soit privilégié revient à dire que tout est équivalent. Mais l'aspect métaphysique de cette vérité le mène si loin que par une réaction élémentaire, il se sent plus près peut-être de Platon. On lui enseigne en effet que toute image suppose une essence également privilégiée. Dans ce monde idéal, sans hiérarchie, l'armée formelle est composée seulement de généraux. Sans doute, la transcendance avait été éliminée, mais un tournant brusque de la pensée réintroduit dans le monde une sorte d'immanence fragmentaire qui restitue sa profondeur à l'univers. Dois-je craindre d'avoir mené trop loin un thème manié avec plus de prudence par ses créateurs ? Je lis seulement ces affirmations d'Husserl, d'apparence paradoxale, mais dont on sent la logique rigoureuse si l'on admet ce qui précède. Ce qui est vrai absolument en soi. La vérité est une, identique à elle-même, quels que soient les êtres qui la perçoivent, homme, monstre, ange ou dieu. La raison triomphe et claironne par cette voie, je ne puis le nier. Que peut signifier son affirmation dans le monde absurde ? La perception d'un ange ou d'un dieu n'a pas de sens pour moi. Ce lieu géométrique où la raison divine ratifie la mienne, mais pour toujours incompréhensible. Là encore, je décèle un sceau. Et pour être fait dans l'abstrait, il ne signifie pas moins pour moi l'oubli de ce que justement je ne veux pas oublier. Lorsque, plus loin, Husserl s'écrit « Si toutes les masses soumises à l'attraction disparaissaient, la loi de l'attraction ne s'en trouverait pas détruite, mais elle resterait simplement sans application possible », je sais que je me trouve en face d'une métaphysique de consolation. Et si je veux découvrir le tournant où la pensée quitte le chemin de l'évidence, je n'ai qu'à relire le raisonnement parallèle qu'Husserl tient à propos de l'esprit. Si nous pouvions contempler clairement les lois exactes des processus psychiques, elles se montreraient également éternelles et invariables, comme les lois fondamentales des sciences naturelles théoriques. Donc, elles seraient valables même s'il n'y avait aucun processus psychique. Même si l'esprit n'était pas, ces lois seraient. Je comprends alors que d'une vérité psychologique, Husserl prétend faire une règle rationnelle. Après avoir nié le pouvoir intégrant de la raison humaine, il saute par ce biais dans la raison éternelle. Le thème husserlien de l'univers concret ne peut alors me surprendre. Me dire que toutes les essences ne sont pas formelles, mais qu'il en est de matériel, que les premières sont l'objet de la logique et les secondes des sciences, ce n'est qu'une question de définition. L'abstrait, m'assure-t-on, ne désigne qu'une partie non consistante par elle-même d'un univers concret. Mais le balancement déjà révélé me permet d'éclairer la confusion de ces termes. Car cela peut vouloir dire que l'objet concret de mon attention, ce ciel, le reflet de cette eau sur le pan de ce manteau, garde à eux seuls ce prestige du réel que mon intérêt isole dans le monde. Et je ne le nierai pas. Mais cela peut vouloir dire aussi que ce manteau lui-même est universel, a son essence particulière et suffisante, appartient au monde des formes. Je comprends alors que l'on a changé seulement l'ordre de la procession. Ce monde n'a plus son reflet dans un univers supérieur, mais le ciel des formes se figure dans le peuple des images de cette terre. Ceci ne change rien pour moi. Ce n'est point le goût du concret, le sens de la condition humaine que je retrouve ici, mais un intellectualisme assez débridé pour généraliser le concret lui-même. On s'étonnerait en vain du paradoxe apparent qui mène la pensée à sa propre négation par les voies opposées de la raison humiliée et de la raison triomphante. Du dieu abstrait d'Husserl au dieu fulgurant de Kierkegaard, la distance n'est pas si grande. La raison et l'irrationnel mènent à la même prédication. c'est qu'en vérité, le chemin importe peu. La volonté d'arriver suffit à tout. Le philosophe abstrait et le philosophe religieux partent du même désarroi et se soutiennent dans la même angoisse. Mais l'essentiel est d'expliquer. La nostalgie est plus forte ici que la science.